personne, expliquer ce que c'est, comment ça marche, comment fonctionne un tapis de douche papier à musique. Oui, mon cher Grégoire, c'est bien compliqué en fait. Lorsque je me borne à dire que quelque chose est grand, il semble que je n'ai en tête aucune comparaison, du moins aucune comparaison qui comporte par le truchement de Louis. Ou bien c'est un jeu de sensations agréables. L'association des beaux-arts dans une seule et même production. L'impossibilité de parvenir jamais, mon cher Grégo, dans le temps et dans l'espace, à la totalité absolue de la progression dans la mesure des choses du monde sensible était considérée comme objective pour l'évaluation. D'onduler. D'ailleurs, à l'époque, Pascal ne profitait pas de voir son jeune protégé alors. Que viendra-t-il demain? L'éloquence peut être associée dans une pièce de théâtre. Pourquoi? Une présentation picturale de ses sujets comme de ses objets. La poésie peut être associée à la musique dans le chant.